capsule rock metal avec Dominique No. Hey, salut la gang, bienvenue à ce troisième épisode de la capsule rock metal. Mon nom est Dominique No, en direct de la décrépitude de grand-mère. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un album fantastique, soit le nouvel album de Rotting Christ, Pro Christou, qui est paru le 24 mai 2024. Pourquoi je vous parle d'un album qui est paru le 24 mai 2024? Bien, tout simplement parce que si la tendance se maintient, comme le disait notre ami Bernard, ça va être mon album numéro 1 cette année, parce que c'est un album absolument sensationnel. Rotting Christ, qui veut dire Christ pourrissant, ont été fondés en 1987 à Athènes, en Grèce. Donc c'est un groupe qui a plus de 3 décennies d'existence, 37 ans plus exactement. Ils ont sorti plusieurs démos en 87 et en 91, ils ont sorti leur premier album. Moi, ça m'a intrigué parce que j'ai vu que c'était du black grind. Puis moi, j'étais un tripeur de grind metal. Puis de grindcore aussi, là. Fait que j'ai décidé d'aller voir c'était quoi ça, ce groupe de black grind, là. Ça m'intriguait aussi, puis pour ma chronique. Donc, j'étais allé écouter l'album de 1991, leur premier, après leur démo, qui s'appelle Passage to Arcturo. Il n'y a rien de grain là-dedans, là. C'est assez mal produit, là. Le drum est trop fort dans le mix, puis la guitare a un peu sonné grain. Mettons que la guitare, elle sonne un peu comme Morbid Vision, le premier des premiers Sepultura, là. Un genre de son de guitare comme ça, là. T'sais, ils ont fait un bond de géant depuis, là, parce que Pro Rixtou, c'est leur 14e album, là, tu sais. Puis ces gars-là de Rotting Christ, mais en réalité, c'est surtout deux frères, les frères Tolis. Donc, t'as Sakis Tolis, qui est guitariste-chanteur, et son frérot, Thémis Tolis, qui est batteur. Il y a eu beaucoup de changements de line-up au sein de Rotting Christ, mais en 37 ans, on peut pas leur en vouloir non plus, c'est des choses qui arrivent. Puis pour ce nouvel album, à la base, il y a Kostas Eliotis et au lead guitar Kostis Foukarakis. Donc ça, ce sont tous des Grecs. Les deux nouveaux musiciens sont là depuis 2019, sont arrivés après l'album The Heretics de Rotting Christ qui est sorti en 2019. Ça, c'était The Heretics, a été l'album qui m'a fait découvrir le groupe Rotting Christ. Mais faut dire que faut être prêt à ça. Parce qu'avant ça, j'étais plus dans l'heavy metal traditionnel, dans le death, dans le thrash, puis tout. Puis tranquillement, pas vite, mais j'ai commencé à m'acclimater aux choses un peu plus ambiantes. Tu sais, de la musique un peu gothique, si on veut. Donc, c'est avec l'album The Heretics que j'ai vraiment trippé, mais beaucoup, beaucoup trippé sur Rotting Christ. Donc, quand le nouvel album est paru, ça m'a tout de suite attiré. J'ai voulu aller écouter ça. Puis on est dans la même veine que des Heretics, mais encore en mieux. Là. C'est vraiment en beaucoup mieux là, sur tous les sens. Là, cet album-là est tellement fantastique, autant au niveau de la production qu'au niveau de la pochette. Moi, j'ai fait venir le vinyle parce que je voulais m'acheter le CD de The Heretics à Trois-Rivières chez Archambault, mais à 24$ un CD, je trouvais ça pas mal cher. Puis j'ai réussi à me trouver chez Freesound Pro Rixtou en vinyle. Il m'a coûté 41$, un peu plus cher. Mais écoutez, c'est tellement une belle pochette. Un beau gatefold que tu rouvres avec des belles photos tout le long dedans. Il y a un livret. L'album est fantastique. La production est sensationnelle. C'est vraiment extraordinaire cet album-là. On y va avec la première toune qui commence. Pro Christou. Il y a beaucoup de narration très solennelle dans leur musique, là. C'est une musique aussi avec des chorales, des chants grégoriens qu'il y a là-dedans. Donc, la première chanson qui est assez courte, ça part avec Pro Christou, qui veut dire Before Christ, avant Jésus-Christ. Donc, ça, cet album, là, c'est une grosse. un tribute, un hommage, si vous voulez, à tous les derniers rois païens qu'il y a eu, qui ont gardé, eu la sagesse de garder toutes les connaissances des vieilles, des vieux peuples, si vous voulez, puis résister à l'envahisseur qui était les catholiques, le catholicisme à cette époque-là. Donc, l'album est dédié à ces rois-là, du genre de Flavius, Claudius, Julianus, qui est mentionné, entre autres, dans l'album. Donc, à Pro X2, quand ça part, on se met tout de suite dans l'ambiance, parce que ce qu'il fait, Sakis, notre chanteur, fait une nomenclature de dieux ou de personnes mythiques du panthéon grec, si vous voulez, aussi des endroits mythiques, là. Donc, il part en premier, puis il dit le nom des personnes, puis ça répète, comme Hades, puis là, ça répète Hades, très majestueux, là, très solennel. Hades, qui est le dieu des morts, le dieu du monde souterrain. Après ça, il dit Human Xibalba. Je suis allé voir Xibalba, que c'est, autrement dit, c'est le monde souterrain, c'est l'endroit où vit Hades. C'est un lieu très effrayant. Puis j'ai vu un petit film d'une heure et demie sur YouTube, c'était vraiment intéressant, qui s'appelait justement Xibalba. Mais ça se passait au Mexique, puis c'était dans des ruines mayas qu'il fallait que tu descendes en plongée sous-marine pour passer en dessous des pyramides. Puis en tout cas, c'était bien compliqué, puis on finit par trouver l'endroit, puis ils sont tous décédés, sauf... Sauf le personnage principal, parce qu'ils ont rencontré Hades, qui était un reptilien très méchant. Donc, c'est Xibalba. Après ça, ils disent Titan, Titan. On n'a pas besoin de vous dire qu'est-ce que c'est Titan. Hein? C'est les divinités du panthéon grec, dont eux autres viennent de la Grèce. Puis comme les groupes qui viennent des pays nordiques vont parler de vikings, mais eux autres, ils vont parler du panthéon grec. Puis ça fait partie de... Ça fait partie de leur vie, de leur culture, puis c'est rien que normal, là. Donc, Titan, divinité. Après ça, ils disent Prométhéus. Bon, Prométhéus, c'est Prométhée. Prométhée, c'est un titan. Ça n'est un titan. Lui, Prométhée a volé le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux humains. Et puis, le roi, le dieu de l'Olympe, Zeus, était en beau joual vert après. Donc, pour le punir, il l'a attaché sur une roche sur le mont Caucase, et pendant le jour, l'aigle du Caucase venait lui manger le foie, et pendant la nuit, son foie se régénérait et il repoussait, et le lendemain, ça recommençait. Ça s'appelle ça, toi, tu vas t'en rappeler de celle-là, hein? Je trouvais ça vraiment comique en même temps, c'est tellement exagéré. Ensuite de ça, il dit « Zeus! » Zeus qui est le ciel du tonnerre, le dieu du ciel du tonnerre, le dieu de l'Olympe, un des plus grands dieux du premier panthéon grec. Ensuite de ça, il nous lance Shiva Mahadeva. Shiva Mahadeva. Le Shiva Mahadeva, c'est le seigneur de l'univers. C'est lui qui l'est. Après ça, il nous dit Taran. Taran, qui est le dieu du ciel et de l'orage. On pourrait voir là-dedans Thor, tu sais, c'est un peu comme Thor, si tu veux, mais dans la mythologie grecque. Et puis, il termine ça avec Asmodeus. Asmodeus, qui est un des sept princes de l'enfer. En réalité, lui, Asmodeus, c'est le roi des démons. Donc, ça, c'est une petite toune courte. Puis, tout ce qu'il fait, c'est qu'il donne la nomenclature de ces gens-là qui sont répétés en back vocal. Puis, c'est tellement magnifique, grandiose, majestueux. Tout est là. Ça met à table. Puis, après ça, la deuxième toune à part. Diapostate. Diapostate, peut-être que ça se dit en anglais, diapostate. En tout cas, diapostate en français, c'est un apostat. Un apostat, c'est quelqu'un qui renonce à sa religion, qui fait un acte d'apostasie. Donc, renonce à ses religions, à ses principes, et surtout, en particulier, à la religion chrétienne et au catholicisme. Donc, ça, c'est ma pièce, la deuxième. Diapostate, c'est absolument magique, c'est fantastique d'entendre ça. Brillant, glorieux, donnez-en des... Je peux vous en donner des qualificatifs, c'est tellement exceptionnel. Puis il y a tout le temps comme une espèce de petit... une espèce de petite narration avant chaque chanson. Ben, pas avant chaque chanson, mais presque chaque chanson. Comme Diapostate, quand ça commence, il dit... Nane kakousmen azure. Ce qui veut dire en français, ça c'est du grec, ça veut dire... J'ai vaincu le Nazaréen. Et là, c'est la chanson Diapostate avec des chants grégoriens, une ambiance absolument magique, envoûtant, là. Moi, j'ai embarqué là-dedans, à côté, là, pas d'allure, là. Après ça, Like Father, Like Son, qui est un des plus... Encore une chanson tellement magnifique, ça se peut même pas, ça suit une après l'autre. Et après ça, il y a la chanson de 6D, où ce que là, le narrateur dit... une parole de la Genèse. And on the sixth day, I created man. Et là, ça part. The sixth day. Chanson absolument fantastique. La dernière chanson du côté A, La Lettera del Diavolo. Est la chanson probablement la plus rapide de l'album. Puis aussi, c'est ce qui nous rejoint le plus de Dieretics, là, de l'album de 2019. On se retrouve là-dedans. Là. C'est plus rapide un peu, puis... moins solennel, si on veut. Après ça, on tourne au-dessus de bord B. Là, il part de la toune The Farewell. Mais autrement dit, The Farewell, c'est le même riff de guitare que The Apostate, OK? Mais avec d'autres paroles. C'est ce qui fait le concept, un peu comme le faisait Pink Floyd avec la petite guitare tout le temps mélancolique sur The Wall, là. Ben, c'est ça, ça repart encore dans la mélancolie. C'est le même riff, sauf qu'il change les paroles, ça change l'histoire. C'est tellement envoûtant, là, c'est un mur de son, cet album-là. C'est incroyable, la production de ça. Ensuite de ça, la toune Pix, Lax, Dax, qui veut dire frapper, botter, mordre. Ensuite, l'avant-dernière toune, non, c'est pas vrai. La toune suivante, Pretty World, Pretty Dies. T'sais, on peut parler de guerre là-dedans. Hein? Pretty World, Pretty Dies. Et ensuite, l'avant-dernière pièce, Yggdrasil. J'ai cherché la prononciation, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Puis ça, Yggdrasil, ça se trouve à être, dans les anciennes croyances, l'arbre qui soutient l'univers. Ça, c'est le Yggdrasil. Et on termine avec la dernière toune, Saoirse, qui veut dire liberté tirée de l'irlandais. Donc, et voilà, c'est un album absolument magique, fantastique. La pochette est absolument magnifique, les couleurs avec le Rotting Christ écrit en doré qui reluit, là. Quarton aurait été jaloux de ça. Puis en bas, Pro X2 en doré. Puis c'était une... La pochette a été faite, bien, c'est une peinture, en fait, qui était faite par Thomas Cole, qui s'appelle La Destruction. Parce qu'il faut savoir qu'entre 1833 et 1836, Thomas Cole a fait 5 œuvres qui étaient des œuvres de une après l'autre, qui s'appellent Le Destin des Empires. Donc, tu avais la première peinture qui était L'État sauvage, la deuxième qui était L'État arcadien ou encore L'État pastoral, la troisième peinture qui était La Consommation de l'Empire, la quatrième qui est La Destruction, qui est la pochette de Rotting Christ, c'est la quatrième peinture, La Destruction, et pour terminer, Désolation, qui est la cinquième peinture. C'est tellement spécial, sa pochette, parce que, tu sais, d'habitude, ils vont numériser une photo pour faire une pochette, mais si tu regardes de proche, tu vois toutes les petites lignes, toutes les petits quadrilatères là, d'une toile, d'une vraie toile. Donc, c'est vrai, ça a vraiment l'air d'être une vraie peinture. Là. Puis dans le livret, il y a plein d'autres peintures que je ne commencerai pas à toutes vous nommer tout ce que c'est, parce qu'il y a tellement de stock dans cet album-là, puis dans la pochette, puis tout. Ils font bien de faire des gros packages de même, parce que c'est tellement intéressant pour quelqu'un, un fan comme moi, qui achète l'album. Oui, elle m'a coûté 41$, mais j'en ai pour mon argent, là. Puis la pochette est tellement belle, puis le disque, ça sonne, puis j'en ai pour mon argent. Puis, tu sais, comme toutes mes chroniques, je vais voir au moins un spectacle pour me donner une idée, même si c'est pas vraiment mon trip à moi d'aller voir des vidéos ou des spectacles de musique. Puis la raison... est fort simple, c'est que moi, j'aime me servir de mon imagination quand j'écoute de la musique. Fait que quand mettons, je vais aller voir une vidéo, puis que je vais réentendre la toune, ben là, au lieu de me servir de mon imagination, ben là, dans ma tête, je vais voir la vidéo. T'sais, vous comprenez, là? Ben, j'étais un peu puriste, peut-être, c'est bas. Mais là, pour faire mes chroniques, j'ai pas le choix quand même d'aller voir, là, pour vous en parler un peu. Puis ce qui est le fun avec Rotting Christ, c'est que c'était vraiment bénéfique pour moi d'aller voir ça. Parce que je suis allé voir des groupes dans le genre, parce que, Ça m'intriguait comme un groupe que j'aime beaucoup. C'est un groupe russe qui s'appelle Batushka. J'étais allé voir une vidéo de Batushka au Hellfest en 2024. Les gars arrivent, ils sont tous en soutane brune, là, jusqu'à en gogoune, jusqu'aux chevilles. Là. Ils ont des choses noires sur la tête, des bas-culottes noires, si tu veux, là, pour se cacher à la face. Là. Ils sont peut-être 7-8. Puis là, là-dedans, il y a les choristes qui sont là, le guitariste, le chanteur. Puis là, il arrive avec une espèce de patente en sein là, qu'on balance de gauche à droite, là, qui fait de la boucane. Là. Autrement dit, c'est la messe orthodoxe russe. C'est carrément ça là, que moi, j'ai vu, là, où la messe qui se célébrait en Europe de l'Est ou en Turquie. Fait que c'est ça. C'est la messe orthodoxe. Puis, ben, vous avouez, là, quand j'ai vu Batushka, la musique est écœurante. Là, ça plane, c'est vraiment envoûtant. Mais c'est plate en live, en joie de verre. C'est 8 tuniques brunes plantées qui sont là avec des choses noires dans la face. Tu vois, t'as pas d'expression faciale. Puis je peux les comprendre, écoutez, de vouloir garder l'anonymat parce que c'est un groupe de Russie, tu sais. Puis on connaît le coucou qui est au Kremlin, là, Général Patoff, là, qui pourrait aussi bien se mettre à faire... À s'en prendre à leur famille ou à n'importe quoi. Fait que je peux comprendre que c'est de bonne guerre pour eux autres pour vouloir cacher leur identité. Là. Mais il reste que tout de même... Quand j'ai regardé le show de Rotting Christ, c'était ça que je m'attendais un peu à ça. T'sais. Ça devenait un peu le même genre de ben. Oh que non, que j'ai tombé sur le derrière, pas à peu près. Parce que ça part, puis Sakis, c'est un gars qui... T'es en communion avec la foule. Puis là, en partant, ça part au premier riff. Puis là, aussitôt que la premier riff embarque, là, il est là. Hey! Hey! Puis là, le monde embarque là, à côté. Le show est en Pologne, OK? Il y a un endroit qui s'appelle Bruxin. C'est un aérodrome. C'est un grand terrain vague, là. C'est au nord de la Pologne. Donc, ils sont là. Puis là, hey! Puis là, ils les embarquent. Puis là, des fois, il fait des décomptes 4, 3, 2... Go! Puis là, il y a un pit, il y a des centaines de personnes dans le pit. J'ai jamais vu un pit de Mongol de même. Mais ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a toutes sortes de monde qui sont là-dedans. Des jeunes, des plus vieux, des cowboys, des clowns, des corpse painting. Tout le monde a tellement du plaisir. C'est une grande messe. C'est la célébration de la fraternité. C'est tellement fantastique, puis là, une toune après l'autre, puis là, Sakis, il te les lâche pas, puis il te les embarque, puis c'est tellement grandiose. Puis au-dessus de la scène, il y a comme une espèce de... une affaire circulaire rond, là, qui mesure entre 80 et 100 pieds de diamètre, là, puis c'est comme un peu incliné à 25 degrés vers la foule. Puis ça, ça ressemble à une soucoupe volante, là. Écoute, il y a toutes sortes de lumières qui tournent dans tous les sens, des ronds, des carrés, des triangles, mais tout ce que tu voudras, toutes sortes de couleurs, puis c'est immense, puis c'est juste en haut d'eux autres, là. Ça rajoute, là, au magnifique du spectacle, là. C'est tellement malade de voir ça, là. Puis tu sais, je pense à la Pologne, puis la Pologne, c'est juste à côté de l'Ukraine, hein, dans le fond, c'est... la frontière est là, puis il est juste au bord de l'Ukraine, mais... on le sait, là, c'est Général Patoff là, qui est là, le clown en chef du Kremlin. Puis je me dis, là, je regardais ça, puis je me disais, ça doit le mettre en beau joie le vert de voir du monde de même qui a autant de plaisir, qui ont du fun, c'est la fraternité, on est tous des frères, peu importe notre couleur, nous sommes une seule race pour plusieurs couleurs. Puis c'est tellement fantastique de voir. Je me dis, ça doit être en beau joie le vert, puis c'est ça qui veut nous enlever le clown, hein? Général Patoff, c'est ça qu'il veut nous enlever. Il veut nous enlever notre bonheur, notre fraternité. Il veut tout contrôler. Il veut pas qu'on ait du fun. Si lui, il est marabout un matin, tout le monde est marabout, c'est tout. Fait que c'est ça. Fait que c'était fantastique de voir ça. C'était un plus pour moi, vraiment. De voir ça, de voir mon Sakis. Quelle prestance, quel charisme. C'est le prêcheur, c'est le porteur de la mauvaise nouvelle, là. Ah, c'est vraiment malade. Quand j'ai commandé mon disque, j'ai écouté ça. J'ai mis le volume fort, là. Une pièce comique Drasil, là, l'avant-dernière, là. Je te jure, on dirait qu'il y a un avion dans le salon, là. C'est tellement puissant. La puissance fantastique de cet album-là, qui va sûrement être le numéro 1 cette année pour moi. Hein, Kiki, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu le vois bien, là, j'étais en train de faire ma capsule. Ben non, Kiki, t'es bien trop petite, tu peux pas faire ça, toi. Regarde, tu vois, je suis occupé, j'ai pas le temps, là, mais tantôt, je vais y aller. Fait que là, s'il te plaît, va-t'en, là, tu me déranges. Bon, hey, ça se peut-tu? Me demande de la permission pour pouvoir aller licher la hotte du poêle. Hey, ça sera tantôt, ça sera tantôt, ça, mon gars. Fait que c'est ça, un album fantastique. Si la tendance se maintient, ça va être mon album numéro 1 cette année. Il reste encore 2 mois et demi, mais cet album-là est en premier depuis le 24 mai. Donc, si vous êtes des tripeux de musique ambiante, de musique qui plane, de grandiose, de musique glorieuse, majestueuse, gothique, efficace à 100%. Hey, je donne un 10 sur 10 à cet album-là, pour tout. Tant que pour la production, que pour la présentation, que pour les pièces, la composition. Pour moi, c'est parfait, cet album-là. C'est tellement génial, je suis tellement content de me l'avoir procuré. Donc, moi, je vous dis, si vous êtes des tripeux de musique de même, là, je vous suggère gros d'aller chercher Pro Christo, hein? Before Christ, avant le Christ. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine pour une autre capsule rock metal sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Et en terminant, je voudrais vous dire The Book of Lies. I read, I condemned. Ciao. Bye.